identité. Tu veux faire du s'entraider. Vous aider de ta nationalité. C'est tout le temps dans cette société. Quand le pays est assassiné, les dégâts sont confisqués. On ne parle pas de justice, prisonnier de ta nationalité.